parfait vous donne accès à une variété de cours d'entraînement haute intensité et de conditionnement physique autant de fois que vous le désirez. Ce forfait est offert aux membres et aux étudiants membres. Pour en savoir plus, visitez le sepsum.umontréal.ca. Ici Loïc de Protofief. Vous écoutez CISM 89.3, La Marge. Porter Robinson, en spectacle. La tournée Worlds, Amérique du Nord. Jeudi le 2 octobre au Metropolis. Le tout nouveau spectacle de Porter Robinson, avec invités spéciaux Girafage et Le Maître. Billets en vente maintenant au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Porter Robinson, le 2 octobre au Metropolis. Présenté par Evenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En ce lundi 8 septembre, bienvenue à l'émission Le Terminus, émission, en fait, première émission de la 8e saison sur les ondes de CISM. Je m'appelle Jean-François Lusignan, si je ne l'ai pas dit. On va être ensemble pour la prochaine heure, donc pour une heure de rock indépendant d'Indie Rock. Je vais saluer au passage Jean-Sébastien et Marie-Ève qui animaient À vos disques et périls dans la même case horaire tout le long de l'été. Émission de rock psychédélique, très bonne émission. Je les salue donc pour leur excellent travail. Ce soir, donc, une heure de rock indépendant. Vous allez retrouver la liste complète à la fin sur le CISM893.ca. On va commencer avec un premier segment un peu indie pop. On va entendre la chanson ou la musique plutôt de Meek, formation d'Austin au Texas, qui sortait un premier EP en juin. Meek, donc, font une petite indie pop assez jolie, lo-fi également, avec la voix, vous allez voir, craquante de la chanteuse May. Qui, donc, ça fait que c'est une chanson qui est quand même difficile à détester, vous allez voir, chanson qui s'appelle 19. Mais on débute à l'instant avec la pop pessimiste de Cozy Catastrophes, la chanson Pillow Fight sur les ondes de CISM. C'est le Terminus qui débute. Too rough. I hoped you'd be impressed.

I'll Be Your For You de The Tallest Tree, qui est un duo masculin-féminin de Dundas, qui est un quartier d'Hamilton en Ontario. Et si vous avez aimé ce groupe, ce duo a une autre chanson qui s'appelle Boat. Et pour les deux chansons, vous allez voir sur YouTube ou les autres sites de vidéos, ils ont deux très jolies vidéos qui ont été produites pour ces deux chansons-là. Donc, I'll Be Your For You et Boat. On va maintenant y aller avec une autre très belle parution de l'été 2014. C'est les Londoniens de Happiness qui proposaient en juin un premier album appelé Weird Little Birthday, qui est très très très très bon. Il y a des passages un peu plus rock, d'autres un peu plus folk là, à la Wilco. Ce qu'on va écouter, ça sera la chanson Great Minds, donc de Happiness. Et ça sera suivi de Gremlin, qui a un nouvel extrait qui vient de sortir pour un nouvel album qui lui sortira le 15 septembre. Donc deuxième album en presque, je pense même un an, c'est ça. Pour Gremlin, il est assez pressé, monsieur. Et il y aura également dans le prochain segment du Petit Fantôme et du Thérapie, mais on y va avec du Happiness, le tout sur le 89.3 CISM. Domestic shit, and it kicks me out. The more I talk to you, the more I talk to you, the more I like my dog. So I take him out whenever you come around. No matter how you feel, you always look so ill. You ate my birthday cake. Yeah. oui, vous êtes toujours à l'écoute du Terminus, une émission dédiée au rock indépendant, rock des fois pesant, des fois un peu moins pesant. Émission qui fait également son retour ce soir après une pause estivale. Très content d'être avec vous ce soir en direct, donc des ondes de CISM. Ce qui vient de jouer, c'était la bande locale Thérapie. Ils écrivent leur nom sans voyelle, donc ça donne thrpy.bandcamp.com si vous voulez écouter leur premier EP qui est sorti récemment. C'était la chanson 432 Hz que vous avez entendu. Avant ça, rapidement, il y avait du Petit Fantôme, la chanson Ben Ouais. Également du Gremlin qui lui aussi oublie les voyelles. La chanson Jaded, premier extrait de son album Soon Away qui sort le 15 septembre. Album, en tout cas, si on suit au premier extrait, qui s'annonce pas mal plus punk que son premier album sorti l'année dernière. Et on avait commencé ça avec Happiness Great Minds. Et maintenant, ce qu'on va entendre dans les prochaines minutes, on va changer un peu de ton. On va commencer ça avec un peu du post-punk, après ça un peu de dream pop, shoegaze. Ça va changer un peu de ton. On va commencer avec The Twilight Sad, groupe écossais qui retourne en ville, qui nous reviennent en ville au Il Motore. J'ai marqué Il Motore, mais le nom de la salle a changé depuis. Ils rénovent et rouvrent dans quelques jours, je crois. Ça s'appelle maintenant le Ritz. Donc, de passage au Ritz le 18 octobre prochain de Twilight Sad pour faire la promotion de leur nouvel album qui lui sort le 28 octobre prochain, album qui s'appellera Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave. Et le premier extrait de cet album qu'on a en écoute depuis quelques semaines s'appelle There's a Girl in the Corner. C'est ce qu'on va entendre donc dans les prochaines secondes. Et ensuite, il y aura du Kestrels et finalement du Hooray for Heart. Tout ça sur le Terminus. Voici maintenant Hooray for Heart avec la chanson Keys. Keys de Hooray for Hurt in Our Heart. Hooray for Hurt, projet du New-Yorkais Noel Eru. Son deuxième album, Racy, sortait au mois de juillet dernier sur Devoted Coat Records. Juste avant, c'était les Canadiens de Kestrels avec The Moon is Shining in Our Way, tiré du mini-album du même nom sorti plus tôt cette année. Et Kestrels seront en spectacle au Feu Il Motoré maintenant le Ritz le 19 septembre prochain, c'est vendredi de la semaine prochaine, en compagnie de War, Solids et Clock Room. Vraiment tout un show en perspective. Ça, c'est un spectacle dans le cadre du Festival Pop Montréal qui approche à grands pas. J'en parlerai plus en détail plus tard dans l'émission. Sinon, dans les prochaines minutes, vous allez entendre du Clément Jacques de son album Indien. Ce sera la chanson Dans nos cœurs. Mais pour tout de suite, on y va avec du Early Mart We're So Happy. Donc jusqu'à 20h, c'est le terminus qui se poursuit sur le 89.3 CISM. Dans mon parcours, ma vie m'est

merci, ça va être assez, merci. C'était Shards avec Play, tiré d'un album du même nom, Shards, qui est assez lourd, comme vous avez pu le constater, qui est sorti en mars dernier et disponible gratuitement sur le shards1.bandcamp.com. Juste avant, vous avez entendu aussi la musique de Chavez avec New Room, tiré d'un album qui sortait en 1996, qui en fait le dernier, deuxième et dernier album de Chavez, appelé Better Days Will Haunt You. Et en faisant un peu de recherche, je voyais tout à l'heure que le guitariste de Chavez, monsieur Matt Sweeney, a fait partie de Zwan, le super groupe formé par Billy Corgan là, entre 2001 et 2003 et qui n'était pas finalement super fameux. Donc monsieur Sweeney s'est tenté, s'est essayé à un super groupe, mais ça n'a pas marché super fort, super gros. Alors voilà, c'était pour le dernier segment. Il y avait aussi la musique de Clément Jacques et aussi on avait débuté avec du Early Mart. Si vous voulez retrouver la liste des chansons de l'émission de ce soir, qui est un peu, je l'avoue, déprimante ce soir, on va se reprendre la semaine prochaine, eh bien ça se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a toujours aussi la page, le blog de l'émission sur leterminus.ca. On va se quitter avec deux chansons, mais avant de vous en parler, je vais vous dire tout de suite que la semaine prochaine, eh bien, c'est le Festival Pop Montréal qui va commencer là, du 17 au 21 septembre. Et pour l'occasion, j'aurai en entrevue lundi prochain la formation Believes qui seront en prestation dans le cadre du festival. Ils nous seront au téléphone avec nous. Il devrait y avoir au moins peut-être un autre groupe qui va se joindre à nous pour une discussion lundi prochain. Donc, c'est à confirmer pour le deuxième groupe. Donc, soyez-y. Sinon, donc, on va se quitter avec la musique de Cicatrice. Quand me réveillerai-je? Également, par la suite, ce sera la formation française Totoro avec Festival Bini. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle, on se reparle la semaine prochaine, lundi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. À la prochaine. Ciao. Tous les soirs, dans les mois, les fantômes de mes souvenirs se penchent sur moi, les ombres de mes pensées, de mes peurs. Voilà le tour de mon visage, mon sang dans mes oreilles. Et continue de tourner, et se lève la grande vague de moi. Se courbe vers moi, mais jamais ne se brise. Toujours prise au piège, jamais de sortie. Là, je veux savoir quand me réveillerai. J'allais, combien n'était que mensonge. Où s'arrêtaient tes mains, où s'arrêtaient mes lèvres. Alors je veux savoir quand me réveillerai. J'allais me réveillerai. Je reviens de toi. Quand me réveillerai. J'allais me réveillerai. Yeah.